Petit signe de l'heure. Ce sont les petits signes qui arriveront avant le jour du jugement. Ces signes ne seront pas les plus rapprochés de sa venue, à la différence des grands signes. Plutôt, ils se produiront à des périodes différentes. Certains sont déjà arrivés, comme les suivants. La fissure de la lune, le Coran dit l'heure approche et la lune s'est fendue. Premier verset de la sourate La Lune. Ceci s'est passé au temps du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et tout le monde l'a vu. Deuxièmement, le combat contre les Mongols et les Tatars. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas tant que vous n'aurez pas combattu un peuple qui portera des chaussures en poils, ainsi que les Turcs qui, eux, auront des petits yeux, des visages basanés et des nez imposants. Leurs visages seront comme de grands boucliers. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Certains savants ont dit que la description ci-dessus convenait parfaitement aux Tatars qui ont attaqué le monde musulman au début du 7e siècle de l'Hégire et ont défait les musulmans en 656 de l'Hégire, ensuite en 658 de l'Hégire à la bataille de Ain Jalut, les musulmans les ont combattus et leur ont infligé une cuisante défaite. Troisièmement, le feu du Hijaz. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas avant qu'un feu ne se déclenche dans le Hijaz et n'illumine les coups des chameaux à Bassora. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce feu s'est réellement produit le vendredi 6 du mois de Jumada al-Akhir en l'an 654 de l'Hégire. Celui-ci s'est propagé partout à une vitesse impressionnante et a mis 3 mois pour s'éteindre complètement. Quatrièmement, la chute des empires perses et romains. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque Cochroès périra, il n'y aura pas d'autre Cochroès à sa suite. Lorsque César périra, il n'y aura pas d'autre César à sa suite. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il y a encore bien d'autres signes mineurs dont nous voyons certains de nos jours. Notamment, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Parmi les signes de l'heure, le savoir religieux sera retiré, l'ignorance prévaudra, la consommation de boissons alcoolisées prévaudra aussi et l'adultère sera propagé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans maintes narrations rapportées par Al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi mentionné d'autres signes, dont le sang coulera à profusion et il y aura de nombreux tremblements de terre. L'avarice sera de mise dans le cœur des gens. Les épreuves et les tests seront légions. Les femmes dépasseront les hommes en nombre. D'autres petits signes ne sont pas encore apparus, comme ceux qui suivent. Les musulmans combattront les juifs en Palestine et les vaincront. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas tant que les musulmans ne combattront pas les juifs et les vaincront. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a aussi le trésor de l'Euphrate. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne se lèvera pas tant que l'Euphrate ne laissera découvrir son trésor telle une montagne d'or pour lequel les gens se battront. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y aura aussi une bataille sanglante entre les musulmans et les chrétiens avant la seconde conquête de Constantinople au nord de la Syrie. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne se lèvera pas tant que le monde romain n'atteindra pas A'maq ou Dabiq. » Rapporté par Muslim. Dabiq est un village proche de Alep et A'maq est un district entre Alep et Antioche.